qui écoutez France Culture, n'hésitez pas, aidez-nous à inventer son avenir. C'est très simple, vous pourrez exprimer toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services, surprenez-nous. Pour participer à cette consultation ouverte à tous, rendez-vous sur maradiodemain.fr. Pages arrachées à l'œuvre d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider et publié aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Je n'ai pas envie de parler de moi. Mais d'épier les pas du siècle, le bruit et la germination du temps. Premier épisode, l'enfance. Ne lire que livres écrits pour l'enfance, caresser les seules pensées enfantines, disséminer au loin ce qui nous dépasse et aux profondes afflictions s'arracher. De la vie, je suis mortellement lassé, neveu venant d'elle plus rien recevoir. Pourtant, j'aime cette pauvre terre mienne pour la raison que je n'en ai pas vu d'autre. Je m'y suis dans un lointain jardin bercé dans de banales balançoires de bois et de ces hauts, de ces ténébreux sapins. Dans mon délire brouillardeux, me souviens. 1908. Le poète russe Ossip Mandelstam est né dans une famille juive à Varsovie en 1891. Il a 5 ans quand ses parents obtiennent l'autorisation de s'installer à Saint-Pétersbourg. Dès l'enfance, le poète apprend l'allemand et le français. Son père est un commerçant en maroquinerie et sa mère enseigne le piano. À Saint-Pétersbourg, il suit les cours de la prestigieuse école Tenichev de 1900 à 1907. Puis d'octobre 1907 à mai 1908, il est étudiant à la Sorbonne à Paris, où il suit les cours de Joseph Bédier et d'Henri Bergson. Il y découvre la poésie de Verlaine. Ne pouvant rentrer à l'université de Saint-Pétersbourg en raison des quotas limitant les inscriptions des étudiants juifs, il part en septembre 1909 pour l'Allemagne, où il étudie la littérature française et l'histoire de l'art à l'université de Heidelberg jusqu'en 1910. De retour en Russie, à 20 ans, il se tourne vers la philosophie à l'université de Saint-Pétersbourg où il a pu s'inscrire et publie ses premiers poèmes en 1913 dans la revue Apollon. Il fait partie de cette génération de poètes nés dans les années 1890 avec Anna Akhmatova, Boris Pasternak, Marina Tsvetaeva, Mayakovsky, qui tracèrent avec force de nouvelles inventivités. Avant la Première Guerre mondiale, on assiste à Saint-Pétersbourg à une effervescence des mouvements d'avant-garde qui s'opposent au symbolisme vieillissant. Ossip Mandelstam fonde, avec Nikolai Goumiliov et Anna Akhmatova, l'Atelier des poètes. Son premier recueil de textes en prose, Le bruit du temps, écrit pendant l'été 1923 et publié en 1925 aux éditions Vremia, est un livre consacré aux souvenirs d'enfance et à l'ère du temps d'une époque, les dernières années du 19e siècle en Russie. Extrait. Musique à Pavlovsk. Je me souviens bien des années sourdes de la Russie, les années 90, aux lents mouvements rampants, au calme maladif, au provincialisme profond, une anse d'eau stagnante, silencieuse. Le dernier refuge du siècle mourant. Pendant le thé du matin, les conversations au sujet de Dreyfus, les noms des colonels Esterhazy et Picard, les discussions brumées autour d'une certaine sonate à Kreutzer, et, chose qui me faisait penser à un changement de dynastie, la succession des chefs d'orchestre au pupitre haut placé sous la verrière de la gare de Pavlovsk. Vendeurs de journaux dans leur recoin, massive et statique excroissance du trottoir qui ne crie pas, ne bouge pas, étroite calèche avec leur petit banc escamotable pour une tierce personne. Détail après détail, je me représente ces années 90 comme une suite de tableaux intérieurement liés par une médiocrité discrète, par une provincialité morbide et condamnée. Les fragments d'une vie en train de mourir. Dame à la taille de guêpe, étroitement lacée, aux amples manches bouffantes, somptueusement gonflées aux épaules, étendues aux coudes, moustache, barbiche à l'espagnol, barbe soignée, visage d'homme et coiffure telle qu'on n'en rencontre plus que dans les galeries de portraits d'un salon désuet. Au milieu des années 90, tout Pétersbourg se ruait à Pavlovsk comme vers quelque Élysée. Le sifflement des locomotives et les sonneries de la voie ferrée se mêlaient à la cacophonie patriotique de l'ouverture 1812. Et une odeur particulière se répandait dans la vaste gare, où régnaient Tchaïkovski et Rubinstein. Air moite des parcs Chancy, odeur de serre pourrissante et de roseraie, et à l'encontre, le lourd relent de buffet, la crottée du cigare, les miasmes de combustion des gares et les cosmétiques de l'énorme foule. Le hasard voulut que nous hivernâmes à Pavlovsk. Ainsi avons-nous passé une année entière dans la datcha d'hiver de ce demi-Versailles à la russe. Ville de vieilles femmes, de domestiques de palais, de veuves de conseillers d'État, de commissaires de police rouquins, d'instituteurs phtisiques. On estimait plus sain d'habiter là. Et de fonctionnaires corrompus qui avaient thésaurisé pour s'offrir une datcha hôtel particulier. Oh, ces années où le chant « Les terres vierges du monde » et « Les messagers de littérature étrangère » dont les reliures soignées composaient à la longue la base et le fond des bibliothèques petites bourgeoises faisaient effondrer les étagères et les tables de jeu. On ne trouve plus d'encyclopédies scientifiques et techniques semblables à ces monstres reliés. Pourtant, ces panoramas universels, ces terres vierges, diffusaient une véritable connaissance du monde. J'aimais leur méli-mélo deux d'autruche, deux veaux à deux têtes et deux fêtes à Bombay ou Calcutta. Et surtout, les tableaux, les grands, en pleine page. Nageurs malais glissant dans des vagues de la taille d'une maison de trois étages. Attachés à leurs planches. Ou l'expérience mystérieuse de Monsieur Foucault. Une boule de métal et un énorme pendule se mouvant autour d'elle. Et l'entourant se presse une foule de messieurs sérieux, cravatés et barbus. Je crois que les grandes personnes lisaient la même chose que moi. C'est-à-dire essentiellement les appendices, la vaste littérature foisonnante des suppléments aux chants et consorts. Nos intérêts en général se ressemblaient. À 7-8 ans, j'allais au même pas que l'époque. De plus en plus souvent, j'entendais répéter, avec une fierté irréfléchie, avec une mélancolique coquetterie, l'expression « fin de siècle ». Comme si cette étrange période, après avoir acquitté Dreyfus et réglé ses comptes avec l'île du diable, avait perdu la raison. J'ai l'impression que les hommes se laissaient jour et nuit dévorer par la seule affaire Dreyfus, tandis que les femmes, je veux dire ces dames à bouffant, recrutaient et congédiaient les domestiques, ce qui alimentait à profusion des conversations agréables et animées. Sur la perspective Nevski, à l'intérieur des murs de Sainte-Catherine, vivait un vieillard respectable, le père Lagrange. Ce religieux avait pour tâche de placer de jeunes Françaises pauvres comme gouvernantes dans les bonnes maisons. Les dames, revenant des grands magasins, allaient tout droit chez lui avec leurs achats pour recevoir ses conseils. Cet homme vieillissant se présentait avec son froc minable, parlait affectueusement aux enfants en faisant des plaisanteries doucereuses, catholiques, épicées de finesse française. Une recommandation du père Lagrange était hautement appréciée. L'illustre bureau de la rue Vladimir, où l'on pouvait trouver cuisinières, bonnes et gouvernantes, et où l'on m'emmenait souvent, ressemblait à un véritable marché aux esclaves. Les filles, désireuses d'obtenir une place, se présentaient chacune à son tour. On les flairait, exigeait des attestations. La protection d'une dame parfaitement inconnue, surtout si c'était une générale, passait pour suffisante. Mais il arrivait qu'une créature présentée à la vente, jaugeant avec attention l'acheteuse, lui pouffe de rire au visage ou se détourne. Alors, la responsable des esclaves, accourant, s'excusait en évoquant le déclin des bonnes mœurs. Je tourne une fois encore mes regards vers Pavlovsk. Je foule de bon matin les couloirs et sols parquetés de la gare où s'est amassée pendant la nuit une demi-archine de confettis et serpentins, vestige d'une tempête appelée gala de bienfaisance. Les lampes à pétrole cédaient la place à l'électricité. Les rues de Pétersbourg étaient encore sillonnées de chemins de fer à chevaux, dont les rosses donquichotesques allaient trébuchant. Entre la rue des Pois et le jardin Alexandre circulait la carriole, l'espèce la plus antique parmi les équipages publics de la ville. Seule la perspective Nevski, renonçant aux vieux omnibus, à la couleur caractéristique bordeaux sale, avait droit au nouveau, plus rapide, jaune, dont les clochettes carillonnaient au cou des chevaux puissants et bien nourris. Les journées d'émeutes estudiantines près de la cathédrale de Kazan étaient toujours connues d'avance. Chaque famille avait son étudiant informateur. Si bien qu'un public nombreux venait, à distance respectueuse, il est vrai, assister à ces rébellions. Enfants avec leurs bonnes, mamans et tantes incapables de retenir leurs mutins à la maison, vieux bureaucrates et toutes sortes de désœuvrés. Au jour fixé pour la révolte, les trottoirs de la perspective Nevski ondulaient avec la foule des spectateurs massés depuis la rue des Jardins jusqu'au pont à Nitchkov. Cette cohue craignait de s'aventurer plus près de la cathédrale. La police se cachait dans les cours, par exemple dans celle de l'église Sainte-Catherine. La place devant Notre-Dame de Kazan était relativement vide, arpentée par de petits groupes d'étudiants ainsi que par d'authentiques ouvriers qu'on se montrait d'ailleurs du doigt. Soudain, du côté de la place, retentissait, long, s'amplifiant, un hurlement comme un « ou » ou « i » sans fin, qui se transformait en lamentation terrible de plus en plus proche. Les spectateurs alors reculaient, la foule était modelée par les chevaux. Les Cosaques, les Cosaques ! Le mot passait comme un éclair, plus véloce encore que le vol des Cosaques. Les émeutiers étaient encerclés, puis conduits au manège Michel, et la perspective Nevski, comme sous l'effet d'un coup de balai, se vidait. La masse sombre des attroupements de rue a été ma première vive perception consciente. Je venais d'avoir 3 ans. C'était l'année 94. On m'avait amené de Pavlovsk à Pétersbourg dans l'intention d'assister aux funérailles d'Alexandre III. Sur la perspective Nevski, non loin de la rue Nicolas, on avait loué une chambre au 3e étage d'une maison meublée. La veille au soir, escaladant l'appui de la fenêtre et voyant que la rue était noire de monde, je demandais « Quand est-ce qu'ils s'en iront ?»« Demain », me fut-il répondu. Ce qui surtout me frappait, c'est que ces foules humaines allaient passer la nuit entière dans la rue. Même la mort, la première fois, m'a paru comme une chose complètement irréelle et somptueuse, comme une parade. En ville, la vie quotidienne était terne, peu variée. Chaque jour, vers 5 heures, il y avait la promenade dans la grande rue de la mer, depuis la rue des Pois jusqu'à l'arche de l'état-major. Tout ce que la ville contenait d'oisifs, de jeunes gommeux, arpentait lentement les trottoirs dans un sens, puis dans l'autre. On soulevait son chapeau, on échangeait des sourires, cliquetis d'éperons, propos en français ou en anglais, vitrine animée du magasin anglais du Jockey Club. C'était donc là que bonnes et gouvernantes, françaises encore jeunes, emmenait les enfants et poussait des soupirs en évoquant les Champs-Élysées. On engagea pour moi tant d'étrangères que leurs traits se brouillent, que leurs portraits se confondent en un halo unique. Selon moi, après tant de chansons, de modèles d'écriture, de morceaux choisis, de conjugaisons, toutes ces Françaises et Suissesses étaient retombées en enfance. Au cœur de leur conception du monde, disloquée par les anthologies, il y avait la figure du grand empereur Napoléon et la guerre de 1812, Puis venait Jeanne d'Arc, une Suissesse d'ailleurs se trouvait être calviniste. Et j'avais beau faire des efforts, étant curieux de nature, je n'ai rien réussi à apprendre sur la France, sinon que c'était un beau pays. Chez les Françaises, on appréciait l'art de parler beaucoup et vite. Chez les Suissesses, la connaissance des chansons, dont le fameux Malbrou. Ces pauvres jeunes filles étaient imprégnées du culte des grands hommes, Hugo, Lamartine, Napoléon et Molière. Le dimanche, on les laissait aller à la messe, mais il leur était défendu de faire des rencontres. Quelque part en Île-de-France, des barriques de vin, des chemins blancs, des peupliers. Le vigneron et ses filles sont allés voir la grand-mère à Rouen. Ils reviennent, partout décellés. Pressoirs et cuves en sont frappés, syrah cacheté sur portes et caves. L'intendant a tenté de soustraire à la taxe quelques seaux de vin nouveau. Il a été pris, la famille est ruinée. Une amende énorme et conséquence des sévères lois de France, je reçois en cadeau une institutrice. Mais pourquoi tenais-je à ce point aux cérémonies de la garde? À la beauté monotone des soldats à pied et à cheval, à ces bataillons à visage de pierre s'écoulant dans un grondement de pas le long des granites et des marbres de la rue des Millions. Tout ce mirage bien ordonné de Pétersbourg n'était que rêve, voile éclatant jeté sur un abîme. Quand autour s'étendait le chaos du judaïsme, non la patrie, ni la maison, ni le foyer, mais précisément le chaos, un monde du terrain inconnu d'où je venais, dont j'avais peur, que confusément je devinais, et je fuyais, toujours m'enfuyais. Chaos judaïque. Un jour, une personne totalement inconnue s'est présentée chez nous. Une jeune fille d'environ 40 ans, à chapeau rouge, au menton pointu, l'œil noir et mauvais. Prétextant être originaire du bourg de Chavly, elle exigeait qu'on lui trouve un mari à Pétersbourg. Elle resta une semaine à la maison, jusqu'à ce qu'on réussisse à s'en débarrasser. De temps à autre, des écrivains itinérants s'arrêtaient chez nous. Personnages barbus, à longue basque, philosophe talmudiste, colporteur d'aphorismes et apophtègmes imprimés et rédigés par eux-mêmes. Une fois ou deux, dans ma vie, on m'emmena à la synagogue, non sans de longs préparatifs, comme pour un concert. Pétersbourg a un quartier juif. Il commence juste derrière le théâtre Mariinsky, là où les revendeurs de billets gèlent derrière l'ange du château de Lituanie, la prison incendiée lors de la Révolution. Là, dans les deux rues du commerce, on tombe sur des enseignes juives avec taureaux et vaches, sur des femmes dont les fichus laissent échapper des cheveux postiches, et sur des vieillards pleins d'expérience, affectueux avec les enfants, et qui trottinent dans leurs redingotes traînant jusqu'à terre. La synagogue, avec ses chapeaux coniques et ses coupoles en bulbe, son air d'exotique et fastueux figuier, s'était égaré entre de misérables bâtisses. Coiffes à pompons, bedeaux et chantres efflanqués, grappes des chandeliers à sept branches, hautes toques de velours. Le vaisseau juif, avec ses chœurs bien timbrés de ténors, ses déchirantes voix d'enfant, vogue toute voile dehors, scindée à la suite de quelques tempêtes archaïques en deux moitiés, masculines et féminines. Fourvoyé dans l'assemblée des femmes, je me frayais un passage, en me cachant comme un voleur, derrière les chevrons de charpente. Le chantre, tel le colosse Samson, faisait écrouler l'édifice léonin. Les toques de velours lui répondaient, et le merveilleux équilibre des voyelles et des consonnes, clairement articulées, se communiquait aux hymnes avec une force invincible. Durant mon enfance, je n'ai jamais vraiment entendu parler le jargon. C'est par la suite seulement que je ne me suis plus lassé d'écouter cette langue, chantante, toujours étonnée et déçue, questionneuse, au demi-ton fortement accentué. Le parler du père et le parler de la mère. N'est-ce pas de leur fusion que se nourrit le nôtre tout au long de la vie, à eux qu'il doit son caractère? La langue de ma mère, limpide, sonore, sans la moindre intrusion étrangère, aux voyelles quelque peu étirées, trop ouvertes, est celle de la grande littérature russe. Il y a en elle quelque chose de natif et de sûr. Ma mère parlait volontiers, se passionnait pour les racines des mots et les sonorités du parler grand russien, qui se sont appauvries dans la bouche des gens cultivés. N'a-t-elle pas été dans sa lignée la première à se hisser jusqu'au son pur et clair du russe ? Ce que mon père parlait n'était pas une langue, mais un bredouillement, un mutisme. Le russe d'un juif polonais ? Non. D'un juif allemand ? Non plus. Peut-être l'accent particulier de Courlande ? Je n'en ai pas entendu de semblable. Une langue complètement abstraite, inventée. La parole alambiquée, tordue, d'un autodidacte. Ou de désuets termes philosophiques venus de Herder, de Leibniz et de Spinoza, s'entremêlent aux mots de tous les jours. Une bizarre syntaxe de talmudiste. Une phrase artificielle, pas toujours menée à son terme. C'était tout ce qu'on voudra, sauf une langue. Ni le russe, ni l'allemand. Au fond, mon père me transplantait dans un siècle tout à fait différent et dans un environnement lointain, mais nullement juif. C'était, si on veut, le plus épuré 18e, voire 17e siècle, d'un ghetto éclairé, quelque part à Hambourg. Lorsqu'on me conduisit chez mes grands-parents de Riga, je tentai de résister et faillis pleurer. J'avais l'impression d'être expédié au pays de l'énigmatique philosophie paternelle. Toute une batterie de cartons, paniers cadenassés, malles domestiques encombrantes et ventrues se mit en route. On répandit sur les affaires d'hiver le gros sel de la naphtaline. Le voyage fut agité. Une nuit, à Dorpat, l'obscurité du wagon s'emplit du vacarme et des chants d'un groupe d'Estoniens trépignants qui, retour d'une grande fête chorale, menaçait d'enfoncer la porte. C'était effrayant. Mon grand-père, vieillard aux yeux bleus, la moitié du front couverte d'une calotte dont les traits graves et plutôt dignes se rencontrent chez de très vénérables juifs, souriait. Et pour témoigner sa joie et faire preuve de tendresse, sans y parvenir, fronçait des sourcils touffus. Lorsqu'il voulut me prendre dans ses bras, je fus sur le point de pleurer. Ma bonne grand-mère, une perruque noire sur des cheveux gris, vêtue d'un peignoir à fleurs jaunâtres, trottait à pas tout menus sur le plancher grinçant et voulait sans cesse nous régaler de quelque chose. Elle demandait « Vous avez mangé ? Vous avez mangé ?» Unique mot russe qu'elle connaissait. Or, je n'aimais pas ces friandises épicées pour vieilles personnes au goût d'amandes amères. Mon père parlait souvent de l'honnêteté de grand-père, comme d'une vertu supérieure et de nature spirituelle. Pour un juif, elle est signe de sagesse, presque de sainteté. Plus on remonte dans les générations de ces austères vieillards aux yeux bleus, plus on les sent honnêtes et austères. L'arrière-grand-père Benjamin a dit un jour « Je renonce à mon affaire et au négoce, je n'ai plus besoin d'argent. » Et il en eut juste assez jusqu'au jour même de sa mort. Il n'est pas resté un seul copec. Prophétique, un souffle printanier vivifie l'esprit qui règne dans mes poèmes. Quel cœur désires-tu effleurer ? Quelle oreille penses-tu toucher ? Ou bien est-il plus inhabité ton champ que dans le sable, ces coquillages qui n'ont pas entrouvert aux vivants le monde de beauté qu'ils contiennent. 1909. Только детские книги читать, только детские думы лелеять, всю большое далеко развиять, из глубокой печали восстать. C'était «Pages arrachées à l'œuvre» d'Ossip Mandelstam. Texte choisi par Hélène Bleskin. Traduit du russe par Jean-Claude Schneider. Les œuvres complètes d'Ossip Mandelstam ont été publiées en 2018 aux éditions Le Bruit du Temps, La Dogana. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Premier épisode, avec Laurent Manzoni, Julie Pouillon, Vincent Berger et Peggy Martineau. Prise de son, montage, mixage,